Chapitre 24e. Le colonel eut bientôt la preuve que Raphaël avait été sincère en promettant de défendre son amant, car dès le lendemain il vit la comédienne entrer chez lui légère et radieuse. « Il sera libre demain, » s'écria-t-elle dès la porte. Puis, ce premier cri lancé, elle prit le siège que le colonel lui avançait et commença son récit. « Et je vous assure, » dit-elle, « que si on le met en liberté, c'est que son innocence crève les yeux. » Car ils ont tout fait pour le trouver coupable, jusqu'à envoyer un agent de police dans la Nièvre, chercher mon concierge et l'amener devant le juge d'instruction afin qu'il ne pût communiquer avec personne et se faire faire la leçon. Mais la chose a précisément tourné contre eux. Le concierge a raconté ce qu'il savait et ce récit s'est trouvé en tout conforme au mien. Ainsi, il est prouvé qu'il est arrivé chez vous à 2h15 et qu'il n'en est sorti qu'à 8h. Absolument prouvé. Il paraît que le juge d'instruction a menacé le concierge de le faire arrêter comme faux témoin. Mais celui-ci, qui était sûr de son fait, a persisté dans sa déclaration qui démontre jusqu'à l'évidence qu'Anatole n'est pas sorti et que personne n'est monté. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas mis en liberté immédiatement? Ah, je n'en sais rien, mais il paraît que ce témoignage du concierge, ajouté au mien, n'eût pas encore été suffisant si la défense d'Anatole n'avait été prise par quelqu'un qui a le bras long. Ce mot de Raphaël, venant après les paroles du juge d'instruction, donna le désir au colonel de savoir quels étaient ses protecteurs du frère de Thérèse. Il y avait là un point obscur qu'il pouvait être intéressant d'éclaircir, et de Raphaël la lumière serait sans doute plus facile à obtenir que de tout autre. « Vous ne m'aviez pas parlé de cette personne au bras long, dit-il. À quoi bon? Il n'était pas utile de vous faire savoir que quelqu'un s'occupait d'Anatole. Et pourquoi donc ? « Simplement parce que vous auriez pu vous en rapporter à l'influence de cette personne et ne rien faire vous-même. »« Est-ce qu'il est indiscret de vous demander le nom de ce protecteur au bras long ? Je ne crois pas. D'ailleurs, il ne s'est pas caché, et c'est ouvertement qu'il a pris la défense d'Anatole. Et pourquoi se serait-il caché ? On voit bien que vous venez de loin, colonel. »« Oh, de très loin. Mettez que je suis un Iroquois, qui ne sait rien de rien, un Huron, un sauvage. » Qu'il sera heureux d'être guidé par vous à travers votre civilisation. Et pour commencer, dites-moi, je vous prie, pourquoi le protecteur d'Anatole se serait caché? Mais parce qu'il n'est pas du tout agréable de se présenter quelque part et de dire « Rendez-moi mon ami, qu'on vient d'arrêter sous une accusation de vol. » Ah, cela est juste, je n'avais pas vu cette raison. Soit que le contre-blave ne l'ait pas vu non plus, soit que la voyant, il l'ait dédaigné. Il y a un fait certain, c'est qu'il n'a pas ménagé ses démarches en faveur d'Anatole. Et qu'est-ce que le comte Roqueblave ? Un personnage, sénateur, administrateur de grande compagnie, enfin une puissance. Maintenant une dernière question. En quelle qualité le comte Roqueblave protège-t-il Anatole ? Ah, voilà précisément le délicat. Vous savez, c'est l'Iroquois qui vous interroge. Ne voyons pas pour quelle raison un personnage tel que M. le comte Roqueblave, haut placé, âgé je suppose, une vieille momie. Je ne vois donc pas quelles relations peuvent exister entre un personnage ainsi posé et Anatole. La comédienne parut embarrassée et resta un moment sans répondre. « Est-ce que vous avez connu la mère d'Anatole ? » dit-elle enfin. « Non. Elle n'était pas votre parente autrement que par son mariage avec le frère de votre père ? » « Non. » « Vous ne vous intéressez donc pas à elle d'une façon particulière ?»« Pas du tout. »« Alors cela facilite ma réponse à votre question. Il paraît qu'autrefois, le comte Roqueblave a connu la mère d'Anatole à une certaine époque, vous comprenez ?»« Allons donc. Je n'ai jamais entendu parler de cela. La mère d'Anatole était une honnête femme. Son mari avait pour elle l'affection la plus tendre, et je suis certain qu'il formait un ménage heureux. »« Vous savez, cela n'empêche pas les sentiments. En tout cas, je ne puis vous dire que ce que je sais. » Et ce que je vous répète là, c'est le récit d'Anatole lui-même. Comment ? Anatole vous a dit que sa mère ? Comme vous, j'étais surprise de le voir chez le comte Roqueblave sur le pied de l'intimité. Je l'ai interrogé en ne lui cachant pas combien cela paraissait étrange. Et c'est alors qu'il m'a donné l'explication que je viens de vous répéter. Au reste, il est certain que le comte vient d'agir envers lui comme un père. Sans son aide toute puissante, Anatole serait encore en prison. Cela est si facile d'allonger les formalités. Le comte, au contraire, a abrégé les délais. Et après le témoignage du concierge, il a obtenu la promesse qu'Anatole serait mis en liberté demain. Aussitôt que j'ai eu cette bonne nouvelle, j'ai voulu vous l'apporter. Maintenant, dit le colonel après l'avoir remercié, j'ai encore un service à vous demander. Il est probable qu'aussitôt libre, Anatole accourra chez vous. Vous pouvez en être sûr. Eh bien, voulez-vous me l'envoyer ? Je ne puis pas le voir chez son père où il ne va pas. Je ne puis pas aller chez lui puisque je ne sais pas où il demeure. Je vous prie de l'engager à venir me voir. Je désire le connaître. Je vous l'enverrai. Seulement pas demain. Demain, il est à moi. Cette nouvelle était bonne à porter à Thérèse. Malheureusement pour le colonel, elle était gâtée par les circonstances au milieu desquelles elle se présentait. Quel était ce comte Roplave dont il entendait parler pour la première fois d'une façon si étrange? Était-ce possible que cette paternité fût vraie? Était-il possible qu'Anatole l'eût avoué si légèrement, sans craindre de souiller la mémoire de sa mère? Alors, quel homme était-il? Il y avait là plusieurs questions qu'il s'agitait confusément dans une obscurité qu'il pouvait être imprudent de sonder d'une main trop hardie, car au fond, on pourrait bien trouver la fange. « Bon enfant, » avait dit Denisot en parlant d'Anatole, « mais canaille !» Jusqu'où allait cette canaillerie et ce mot était-il suffisant pour qualifier un pareil caractère? Ne ferait-il pas mieux de s'en tenir à ce qu'il avait appris sans chercher à aller plus loin? En tout cas, ce qu'il fallait pour le moment, c'était que Thérèse n'apprit pas comment se produisait la mise en liberté de son frère. Qu'elle le sût libre, c'était assez. Puisqu'elle ne le voyait pas et n'avait aucune relation avec lui, il n'y avait pas nécessité à la mettre sur ses gardes par quelques mots qui lui fissent, sinon connaître, tout au moins pressentir la vérité. Qu'elle gardât ses illusions le plus longtemps possible. La lumière éclaterait toujours trop tôt. C'était son frère après tout. Ils avaient été élevés, ils avaient grandi ensemble. Comme le colonel se préparait à partir pour la place royale, on lui remit une lettre de son oncle Antoine qui ne contenait que ces quelques lignes. « Si votre temps n'est pas pris, mon cher neveu, et si vous pouvez venir passer une heure dans la soirée rue de Charonne, vous me rendrez service. Dans le cas où je ne vous verrai pas ce soir, je me rendrai chez vous demain matin, avant 8 heures. Je vais vous entretenir d'une affaire grave, pour laquelle j'ai besoin de votre concours et de votre dévouement. Antoine Chamberlain. » Que signifiait cette lettre? Antoine avait-il appris l'arrestation de son fils? Quelle était cette affaire grave pour laquelle il demandait un concours dévoué? Thérèse peut-être pourrait répondre à ces questions. En tout cas, après l'avoir vu, il irait rue de Charonne. Thérèse n'était point encore arrivée, mais il n'eut pas longtemps à attendre. Bientôt il la vit paraître au bout de la galerie, marchant rapidement et de loin il la reconnut à sa tournure aisée et légère, avant d'avoir aperçu son visage. Prenant plaisir à la voir s'avancer ainsi, tantôt dans l'ombre, tantôt dans la lumière, selon les caprices du gaz, il ne pensa pas aller au-devant d'elle et l'attendit qu'elle vînt à lui. « Eh bien, » dit-elle, « demain il sera en liberté. » Alors il lui raconta que l'innocent d'Anatole avait été prouvé par un témoignage décisif et qu'on avait la promesse formelle de sa libération pour le lendemain. Puis ensuite il lui parla de la lettre qu'il venait de recevoir et lui demanda si elle savait ou prévoyait quelle pouvait être cette affaire grave. Mais elle ne savait rien de précis. Seulement son père paraissait sombre et préoccupé. Il était sorti pendant la plus grande partie de la journée, il n'avait pas dîné, et il venait de rentrer, parce qu'il avait chez lui une réunion de camarades et d'amis. Cependant, elle ne croyait pas qu'il eût appris l'arrestation d'Anatole. Ils se mirent en route pour la rue de Charonne, marchant côte à côte, mais ils avaient à peine fait quelques pas qu'il s'arrêta. « Ne voulez-vous pas prendre mon bras ? » dit-il. « Mais si, je veux bien. » Et il appuya doucement sa main sur le bras qu'il lui tendait. Pendant quelques secondes, ils marchèrent sans parler. « Puisque vous n'avez pas peur de prendre mon bras aujourd'hui, » dit-il, « pourquoi hier avez-vous retiré si vivement votre main lorsque ce passant nous a crié « Ne vous gênez pas, les amoureux ?» Elle ne répondit pas. « Je comprends très bien qu'il vous déplaise qu'on croit que nous sommes des amoureux, mais il me semble que cela doit vous déplaire aussi bien le mardi que le lundi. Ce n'est pas parce que cela me déplaisait que j'ai retiré ma main hier. Il est facile de comprendre pourquoi aujourd'hui je la laisse sur votre bras. Pourquoi ces différences entre aujourd'hui et hier, je vous prie? Parce que hier je n'avais pas de raison à donner à mon père, si on lui disait qu'on nous avait vus en tête à tête, nous cachant, tandis qu'aujourd'hui j'en ai de toute naturelle. Nous nous sommes rencontrés et nous faisons route ensemble pour aller à la maison. Est-il étrange que vous me donniez le bras? Ne suis-je pas votre cousine? Et c'est seulement à votre père que vous avez pensé en retirant votre main? « Mais certainement. De qui voulez-vous donc que j'ai peur ?»« C'est juste, vous avez raison. Je ne suis qu'un sot, tandis que vous, vous êtes une brave petite fille, au cœur droit et franc. » Pourquoi était-il un sot et elle pourquoi était-elle une brave petite fille? Elle ne le demanda pas, mais levant la tête vers lui, elle le regarda longuement. Alors il détourna les yeux et parla de choses insignifiantes. Bientôt ils arrivèrent rue de Charonne, et en montant l'escalier, ils trouvèrent Deniso assis sur la première marche du palier. « Antoine est avec les amis, dit-il. Alors, vous comprenez, je garde la porte. »« Si vous voulez venir dans ma chambre, dit Thérèse, je peux vous faire entrer sans passer par l'atelier. Vous verrez père quand ses amis seront partis. »